Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 11 janvier 2022 et c'est le numéro 258. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je voudrais accueillir avec une flûte de mousseux bien frais, rempli à ras-bord, bien entendu, votre chroniqueur favori. Vous a manqué, hein, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, bonne année et merci beaucoup de revenir dans Tech Café après les fêtes. Mais bien sûr, mais écoute, évidemment que je reviens, bien entendu. Et bonne année à toi, bonne année à tous, bonne année à tout le monde. Bonne année 2022 avec les deux deux qui font les deux de 22 qui font des cœurs. Ça vous savez. Ah oui, oh, c'est beau. Retourner oui. Le premier deux, ça fait un cœur comme ça. Voilà, ça sera une année love. Ah, écoute, ça va bien. Et puis, je suis sûr que ça y est, on va rompre cette série d'années catastrophiques qu'on a pu vivre. Évidemment, bonne santé à tous nos auditeurs. Écoute, de quoi est-ce qu'on pourrait bien parler en ce début 2022 ? Il faudrait peut-être abandonner, hein, je sais pas ce que t'en penses, mais nos rengaines habituelles des derniers épisodes de 2021. Non. Trouvons autre chose dans l'actu que les NFT, les crypto-monnaies, les scandales Facebook, les scandales Meta hebdomadaires. Bon, ils reviendront, hein, on le sait bien, mais pourquoi est-ce qu'on parlerait pas, tiens, de ce tweet qui montre 5 chats qui se pelotonnent dans une parabole Starlink ? Parce que la parabole Starlink intègre une fonction qui permet de retirer la neige et le gel, elle chauffe, hein, pour vous assurer de bien capter Internet avec des satellites d'Elon Musk. Et oui, cette image, elle est trop choupinette et à la fois très drôle. Elle pourrait presque laisser penser que les chats ont un complot secret contre les projets d'Elon Musk. Mais bon, on n'aura probablement pas de quoi faire un épisode avec ça, alors non, on va pas se réduire à ça et on va plutôt se tourner vers cette si belle opportunité que nous offre ce début d'année 2022 avec la tenue d'un CES, donc un Consumer Electronic Show, un salon annuel autour de l'informatique, de la technique pardon, et de l'électronique aussi atypique qu'intéressant sur plusieurs aspects. Il y a des ordis, il y a des composants, il y a des écrans, il y a des voitures, vous allez voir, on va se faire plaisir dans cet épisode. Mais avant de dévorer vos news, je voudrais vous rappeler que si vous soutenez TechCafé sur Patreon, qui est une plateforme de financement participatif régulière, donc qui vous engage à participer sur la durée que vous voulez, mais des petites sommes pour chaque épisode, vous profitez d'un abonnement privé au podcast sans aucune pub avec le chapitrage. C'est sur patreon.com/techcafé. Foncez, soutenir Tech Café et garantissez-vous une émission, évidemment, encore très longtemps. Allez, au moins pour tout 2022, hein, on vous le promet. En attendant aussi, on va juste vous relayer un avis Apple Podcast qu'a déposé Julius Corentin. Alors, je l'avais mis au chaud celui-ci. Écoute bien, un très bon podcast pour suivre l'actu tech avec une vraie dose d'analyse et pas simplement une revue de presse comme on le voit trop souvent. À ce propos, un grand merci en particulier à Guillaume Poggiaspala pour son travail de décryptage approfondi tout en vulgarisant suffisamment pour les néophytes, et ce sur un éventail de sujets impressionnants, des technos de moteurs électriques aux jeux vidéo en passant par les semi-conducteurs. Bravo. Eh ben écoute, merci beaucoup Julius, et on espère qu'on va être digne de cet avis Apple Podcast. J'en doute pas une seule seconde, parce qu'encore une fois, on a un joli programme pour cet épisode avec finalement ce que vous aimez bien de fondamental dans la tech, je crois. S'est tenu donc ces derniers jours le CES 2022, le Consumer Electronic Show, après des éditions bouleversées par la pandémie, forcément. Et puis moi, j'avoue, je le disais à Guillaume juste avant qu'on enregistre, que je craignais que ce salon, quelque part, soit un peu abandonné. Il y a eu des abandons avant qu'il se tienne par des grandes marques. Et on pouvait imaginer que cette intention absolue de vouloir le tenir en physique pourrait mettre à mal le bon déroulement. Alors, on ne va pas dire que ça a été un CES digne des CES qu'on connaissait avant la pandémie. Mais malgré tout, il s'est tenu. Et quelque part, c'était cool aussi. Le format était un petit peu différent. Et en tout cas, on a plein de choses à décrire. Guillaume, comment tu perçois cette édition 2022 du CES? C'était la semaine dernière, c'était jusqu'au 7 janvier à Las Vegas, et c'était en présentiel, une première depuis 20 mois quand même. Alors bien sûr, le virus marque toujours fortement l'événement, les tests sont partout, la fréquentation est beaucoup plus faible, comme tu l'as dit, on entend jusqu'à 5 fois moins en fait de chiffres de visiteurs. Alors les chiffres officiels ne sont pas encore sortis, il me semble pas, hein. On avait 2300 exposants, contre 4000 hein, initialement prévus, et des dizaines de milliers de visiteurs. Bon, c'était plus de 200 000 avant c'était presque 200 000 avant la pandémie. Donc il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup plus d'espace aussi dans les allées du salon, qui c'est pas forcément un mal, et en pleine vague Omicron, hein, évidemment, aussi aux États-Unis bien entendu. Donc, de fait, il y a beaucoup de grands groupes qui ne sont pas venus. Il y a Google, Microsoft, General Motors, Lenovo, Nikon, tout ça, ils ne sont pas venus. Les Chinois, d'ailleurs, ne sont pas venus du tout. Il n'y avait personne. Par contre, ben, nous, on y est allés. Hein. Mmh. Et puis, alors, vraiment beaucoup, même en nombre, puisque du coup... Comme tu dis, France, nous, c'est la France, c'est la French oui, Tech. Oui, absolument. La French Tech était présente. C'était même 10% des exposants, du total des exposants. C'est quand même vraiment remarquable. Il y a une vidéo de Pepe Garcia, d'ailleurs, qui montre plein de nouveautés design in France, et donc pas en Californie. Et d'ailleurs, on est très moto, j'ai l'impression, en France, puisqu'il montre une motoneige électrique, qui n'est pas apparemment la première motoneige électrique, hein, ce que j'ai pas trop de mal à croire, d'ailleurs. Puis voilà, il y a des trucs nouveaux et moins nouveaux, comme la Chewbacca, par exemple, qui est aussi une petite moto électrique qui tente de percer aux US. Alors, c'est pas pour la nage, c'est une vraie moto standard, quoi. Elle a 50 km d'autonomie, elle n'a pas de transmission, d'ailleurs, tout se fait directement dans le moyeu arrière. Et puis, il y a un casque de moto intelligent, le Tally, qui reproduit les feux de stop et les clignotants pour le casque. En fait, sur le casque, en fait, il y a des clignotants aux feux de stop. Comme ça, ça accroît la visibilité des signaux. C'est sur la tête du gars, tu peux pas le rater, quoi. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Il y a mini lave-vaisselle aussi sur les sais pas comment ça va convaincre les Américains. Mais Bob, en fait, c'est déjà connu. Il est déjà en vente et déjà connu. Pour le coup, ils ont été présentés aux États-Unis pour essayer de le vendre là-bas. Oui, mais j'ai du mal à penser que le public américain va être enthousiasmé. C'est marrant. Bah, si vous connaissez pas Bob, en fait, c'est un lave-vaisselle format cafetière, en gros. C'est une grosse cafetière dans laquelle, évidemment, tu peux mettre quelques assiettes, quoi. Et évidemment, c'est un petit format. Tu mets 3 litres d'eau dedans. Et ça monte le tout à 70 degrés. Enfin, l'eau à 70 degrés. Bon, ça fait le lave-vaisselle. Et voilà. Donc, en gros, c'est plutôt économique, très compact. C'est pour faire connaître effectivement le Bob aux US que Dan est allé au CES. Effectivement, c'est peut-être pas forcément le... Bon, c'est un mode de vie, hein, évidemment. Hein. Si vous êtes une famille de 4, c'est pas un Bob qu'il vous faut. Ou alors, il faut 4 Bob, je sais pas trop. Mais bon, voilà, donc il y avait plein de trucs. Il y avait la démo des bacs circulaires aussi. Ce circulaire, c'est un truc dont on avait déjà parlé, je crois, une start-up qui était déjà en crowdfunding et qui fabriquait donc une bague. Alors, c'est une bague qui surveille le souffle, l'oxygénation du sang. Ça serait une bague pas trop chère, mais avec un abonnement qui donnerait accès à un assistant santé personnalisé. Donc, ils sont en phase de production, par contre. Hein. Puis voilà, il y a plein d'autres choses, des cartes de visite voilà, connectées, en NFC, par exemple, des dessous de verre aussi en NFC pour les restaurants, ce genre de choses. Donc voilà, il y avait beaucoup de Français, il y avait aussi beaucoup d'Italiens, hein, beaucoup d'Européens en général, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens, de Hollandais. Alors évidemment, c'est un effort, hein, c'est un investissement d'aller à Las Vegas comme ça. On sent que les Français misent vraiment sur un bon retour d'investissement en termes de visibilité, puis de réseautage. Parce que c'est vrai que même si les gros ne sont pas venus en tant qu'exposants, ils sont quand même venus en tant que visiteurs. Tu vois, par exemple, Amazon, il n'est pas venu exposer rien du tout, hein, mais il y a des cadres qui sont venus en tant que visiteurs. Et voilà quoi. Donc 2022, ça marque aussi le retour d'un réseautage en direct, en présentiel. Voilà, et l'absence aussi des gros acteurs, comme tu le disais, peut-être permettra peut-être aux plus petits d'émerger un petit peu, de mieux exister. Mais j'ai eu l'impression, même quand tu regardes un petit peu les témoignages des journalistes, effectivement, Jérôme Colombin, Pierre Sorel, comme tu le dis, Pepe Garcia, etc., qui ont couvert le CIS. Bon, d'ailleurs, on les remercie, d'ailleurs, parce que leur travail, qui est diffusé sur les réseaux sociaux, en vidéo, sur Twitter, etc., nous permet, nous, de le suivre. Donc, c'est évidemment très cool. Et merci aux journalistes qui font ce travail-là. Et on peut, au passage, leur faire un petit clin d'œil. Et c'est cool parce que ça donne l'impression, en fait, que ce format, bah, j'ai l'impression que ça ressemblerait presque un format idéal de CIS. Alors, c'est pas parfait, mais ça ressemble quand même à un environnement où t'as pas l'air d'être oppressé, où t'as l'air d'avoir un petit peu de respiration, un petit peu de possibilité d'échanger, sans pour autant être complètement bousculé. Et j'ai l'impression qu'avant, là où un CIS, il fallait plusieurs dates, plusieurs jours en tout cas, pour couvrir un tant soit peu ce qui s'y passait, là tu pouvais tout le faire en une journée et puis avoir beaucoup plus le temps d'échanger. J'arrive à me demander si ça nous montre pas le format d'un salon idéal tel qu'on pourrait en rêver, finalement. Bon, c'est évidemment contraint par les mesures sanitaires, et évidemment que s'il n'y avait pas de limitations sanitaires, les enjeux économiques ne répondraient pas de la même manière. Mais en tout cas, un bon point donc pour ce CIS qui s'est tenu, avec, comme tu le dis, une French Tech qui était présente. Et donc, on a quelques verticales qui se dégagent de ce CIS. Il y a, je l'ai dit en intro, hein, selon moi, il y a forcément les affichages, tout ce qui est lié aux écrans, aux rétroprojecteurs, les projecteurs à courte focale, etc. On a un peu l'informatique avec des laptops, en veux-tu, en voilà. Guillaume, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, justement, sur ce que tu vas pouvoir passer dans la veille autour du CIS? CIS. Bon, écoute, il y a quand même plein de trucs, et puis il y a plein de domaines. Le CIS a été fidèle à la tradition, c'est quand même un énorme choix à l'américaine aussi, avec une foule de produits, parfois nouveaux, parfois un peu moins nouveaux, parfois totalement concept. Des trucs qui sortiront le mois prochain, à côté de trucs qui sortiront pour toi si t'es un milliardaire de Dubaï, et puis plein d'autres trucs qui sortiront jamais. Hein. Voilà, on va parler de tout ça, je pense, découpant peut-être en grands domaines, les domaines classiques quand même du CES en premier. Ouais, c'est les écrans, c'est vrai, parce qu'il y a... Bah, j'aurais pu dire les télévisions, parce que le CES, c'est quand même le salon de la télé. Il y en a vraiment de toutes les marques, de toutes les tailles, toutes les technologies, des plus standards aux plus futuristes, hein, comme ces écrans transparents qui commencent à se multiplier. Peut-être un jour, on pourra même en acheter à la Fnac sans devoir vendre ses reins, écoute, peut-être. Mais bon, je préfère parler d'écrans aussi parce qu'il y a eu des moniteurs d'ordinateur au CES, beaucoup, hein, y a beaucoup d'informatique bien sûr. Et cette année, la frontière se brouille pas mal entre les deux. Voilà, télé et moniteur, bah, c'est des rôles qui sont parfois un peu interchangeables. Par exemple, LG dévoile une nouvelle gamme de télé qui va de 42 à 88 pouces en OLED. Alors, c'est des écrans qui sont magnifiques, bien sûr, avec des bordures super fines. Et en fait, un écran 42 pouces OLED 4K, bon, bah, c'est une belle télé. C'est vrai, mais en plus, on peut plus facilement la caser un petit peu partout. Mais c'est aussi un superbe écran de PC. Et les moniteurs, de leur côté, passent aussi pas mal à l'OLED. On en a chez Asus ou Alienware. Et certains, comme le Smart Monitor M8 de chez Samsung, peuvent streamer la télé de manière autonome, comme une Smart TV en fait. Hein. Et en plus, on peut magnétiquement attacher dessus une webcam au cas où. Donc, après, évidemment, on a toujours des moniteurs très gaming, avec des spécificités pour ce domaine. Hein, donc, des moniteurs ROG, par exemple, à 360 Hz. Pour la première fois en QHD. Normalement, c'était des évidemment, plus il y a de fréquences ou plus il y a d'images, donc c'est-à-dire que plus le débit au niveau du HDMI doit être important. Ce qui fait qu'en général, les 360 Hz comme ça, c'était avec des résolutions un petit peu plus faibles. Donc là, QHD 360 Hz, ça représente un débit quand même assez impressionnant. Et bon, alors, je sais pas si tu l'as vu, mais comment ne pas évoquer le Samsung Odyssey Arc, n'est-ce pas ? Il faut qu'on en parle, parce qu'il donne envie et en même temps, il fait gratter la tête, hein, cet appareil. Il faut que tu le décrives, parce que même son format est vraiment très original et tous ses cas d'usage sont assez originaux. Il y a une vraie proposition, hein, de la part de Samsung là-dessus. En fait, c'est un écran 4K de 55 pouces qui est très courbé. Alors, c'est les courbes qu'on trouve en général sur les moniteurs gaming, c'est les 1000R, voilà, si ça vous parle. Donc, c'est vraiment une courbe bien marquée quand même, hein. Sauf que c'est sur une télé 16/9 de 55 pouces. Donc ça donne une surface vraiment énorme, très immersive. Et en plus, on peut le tourner et le basculer en mode portrait. Donc parce que le support est rotatif, donc on peut tourner l'écran à 90 degrés. Et donc, bah, évidemment, quand vous tournez l'écran à 90 degrés, vous avez une courbure légère, vous avez en fait le bord quoi, qui part de votre table, et vous avez l'écran qui vous remonte au-dessus de la tête, ni plus ni moins, parce qu'il est vraiment très courbé. Et c'est assez inédit, alors c'est un tarif qui, j'en suis sûr, ne le sera pas moins, mais c'est une proposition en tout cas qui a vraiment... qui est jamais vu, quoi. Ça a pas mal marqué. Bon, après, je sais pas s'il y a une énorme utilité d'avoir l'écran au-dessus de la tête, parce que, bon, évidemment, c'est plus immersif au-dessus, vous avez moins de surface autour, quoi, mais c'est assez marrant, c'est assez marquant. Je le vois bien comme étant quand même un découpage de plusieurs zones de travail, oui, jusqu'à quatre écrans finalement hyper rapprochés. Et je crois quand même qu'il y a pas mal de cas d'usage. En fait, les publics qui sont amenés à faire du développement, mais aussi du gaming, à faire tous ces types d'activités de production sur un ordinateur, peuvent assez vite s'y retrouver. Je me posais quand même la question, mais qui n'est pas spécifique hein, d'ailleurs à cet écran, et je fais une petite parenthèse, une petite digression dans J'ai le secret Guillaume, mais... il faut quand même des machines qui ont quand même pas mal de ressources sur le plan graphique pour faire tourner des affichages de cette taille avec des telles résolutions, non ? Pas du tout. Non, je suis 4K. N'importe quel, maintenant, n'importe quel... Enfin, évidemment, ça dépend de quoi tu parles. Si tu veux faire tourner un jeu récent, 4K, en très très bonne qualité et tout, là oui, il va te falloir effectivement une grosse carte graphique. Par contre, si tu veux faire tourner juste l'internet... Enfin, voilà, si tu veux avoir juste une fenêtre navigateur, une fenêtre mail, plein Word, de fenêtres et tout, non, n'importe quelle carte graphique intégrée capable de piloter de la 4K sous Windows pour avoir de la bureautique étendue comme ça. Non, ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Okay. Par contre, ce que tu dis est intéressant parce que oui, effectivement, le cas d'usage, c'est évidemment du multitâche avec plein de... Voilà, faire du multi-écran avec un seul écran. Et finalement, effectivement, d'un point de vue de professionnel, c'est très courant d'avoir un écran en mode portrait plutôt qu'en mode paysage, ça peut être très pratique. Et de manière plus réaliste, d'ailleurs, il y avait d'autres modèles qui étaient plus crédibles, on va dire, en tant que truc de tous les jours, quoi. Et d'ailleurs, on s'orientera peut-être, si on voulait, vers le Dual Up de LG, qui a un écran de presque 28 pouces, mais qui est quasiment carré. Donc c'est du 16/18, donc voilà, quasiment carré. La résolution, c'est 2560x2880, et l'usage de base, c'est la multitâche, donc c'est double écran empilé, mais c'est double écran, en fait, c'est deux 16/9 l'un sur l'autre. Bah, comme ça se dit, 16/18, c'est deux fois 16/9, en fait. Alors, c'est très nul pour les jeux vidéo, ça c'est sûr. Pour le boulot, ça peut être très cool, finalement, parce que voilà, tu vois, c'est, tu peux effectivement avoir un double écran, un seul écran, si tu préfères voir du Et puis c'est vrai qu'avoir un écran carré... Ça n'existait pas déjà, ce format-là, il me semble avoir déjà vu des choses comme ça. D'ailleurs, chez LG... Le 16-18e, je ne sais pas exactement si ça existait. Après, oui, c'est vrai que tu peux très bien utiliser, faire la même chose avec un écran 16-9e basculé, quoi, tu vois. Là, c'est un écran carré, donc c'est un petit peu original. Bon, après, voilà, c'est... Bon, il y avait des moniteurs un petit peu comme ça. Après, il y avait aussi beaucoup de moniteurs gaming, hein, des moniteurs gaming qui ressemblent d'ailleurs pas mal à des télés. Bon, Samsung et Alienware, par exemple, ils offrent des moniteurs QD OLED. Quand je dis offrir, c'est une façon de parler, parce que c'est pas cadeau du tout, franchement. Ils mettent à disposition le fait qu'ils puissent l'acheter et que les constructeurs puissent l'acheter. Ils vous offrent un truc. Non, non. Mais bon, ouais, le CES, c'est l'arrivée fracassante, donc justement, d'une nouvelle technologie, puisqu'on en parle, une nouvelle technologie d'écran chez Samsung et Sony pour les télés, par exemple, en premier. C'est le QD OLED. Alors, QD OLED pour Quantum Dot OLED. Il faut s'y retrouver, hein, parce que je sais, pour en parler assez régulièrement avec plein de monde, d'ailleurs parfois des assez technophiles, qui expriment le fait que l'environnement qui tourne autour des télés et des écrans et les terminologies qu'il peut y avoir, on se paume très très vite. Il faut que tu nous apportes un petit peu de pédagogie avec les grands problèmes qu'on a autour de l'OLED, etc. Et pourtant, on en a déjà fait un des épisodes qui relaient ça, mais c'est important qu'on remette au goût du jour. Il y a une multiplication des technologies et des variantes en fait, de technologies aussi. Donc ouais, si vous connaissez la technologie OLED, hein, je suppose, oui, vous avez une idée de ce que c'est, ça se vend depuis des années maintenant. Il y a l'histoire des quantum dots, ou des boîtes quantiques en français dans le texte. Alors, évidemment, il y a plusieurs technologies d'écran, il y a une multitude de variantes et de raffinements, il y en a presque autant que de constructeurs et de gammes. Hein. Alors le go de la troupe, c'est encore un LCD, voilà, tout simplement. Alors le LCD, vous connaissez sans doute le principe, hein, c'est qu'une source de lumière blanche est modulée en intensité par une couche de cristaux liquides, puis filtré selon les couleurs primaires pour former des sous-pixels rouge, vert ou bleu. C'est une techno ancienne, peu chère, éprouvée, qui avait, voilà, avec ses raffinements, comme les écrans IPS par exemple, ça atteint un très bon niveau de qualité. Mais bon, il y a quand même des défauts qui sont un petit peu inhérents à ça, c'est les angles de vue, qui sont pas géniaux de base. Il y a les filtres colorés et la polarisation, les filtres polarisants, parce que tu es obligé de polariser la lumière en fait pour la moduler par les cristaux liquides. Ben, tout ça, la polarisation donc, et les filtres colorés, ça fait que selon l'angle où tu regardes l'écran, ben, ça déforme les couleurs. Donc il y a aussi le fait que la lumière passe par plusieurs couches, tout ce que j'ai dit quoi, hein, et donc chaque couche absorbe une partie. Donc c'est pas évident d'avoir de très haute luminosité sans consommer énormément avec le rétroéclairage, donc vous voyez très fort, et donc de chauffer, de consommer plus que de raison, et pour couronner le tout, il faut des fils aussi, hein, pour piloter tout ça, la logique des cristaux liquides, et donc il faut des connexions, voilà, du câblage, hein, pour piloter, c'est très fin, mais pour piloter chaque pixel, donc en fait, tout ça c'est devant le rétroéclairage en quelque sorte, donc ça absorbe aussi d'autant plus l'écran, que l'écran est dense, c'est-à-dire à haute résolution par pouce. Et puis évidemment, vous savez tous aussi que le noir n'existe pas vraiment sur un écran LCD, hein, puisque le rétroéclairage n'est jamais totalement occulté. Ça, en fait, c'est le LCD qui l'occulte. Il occulte comme il peut, mais évidemment, il passe toujours un petit peu, ce qui fait que les contrastes ne sont jamais optimaux. Donc c'est une technologie transmissive. On transmet la lumière du rétroéclairage en la modifiant. Et face à ça, on a des technologies qui sont émissives, où chaque pixel est une petite lampe, tout simplement, en lui-même. Alors le Graal, ce serait que chaque petite lampe puisse être soit verte, soit rouge, soit bleue, et puisse être modulée indépendamment comme on veut, et soit très puissante. Globalement, le seul Graal s'appelle le micro-LED, et ça existe déjà, mais c'est pas évident à fabriquer, c'est surtout un très grosse surface, quoi, à prix convenable. Donc pour l'instant, et bon, depuis un moment, hein, évidemment, parce qu'avant que les micro-LED ne soient même possibles, bah, il y avait ce qu'on appelait le OLED. OLED, c'est pour Organic LED, tout simplement, donc des diodes organiques. Alors, elles émettent leur propre lumière, organique ou pas, c'est le même principe, de toute façon, elles émettent leur propre lumière, et donc on peut les éteindre. Et du coup, quand elles sont éteintes, bah, du coup, ça fait forcément du noir complet, et donc, là où on veut, on fait du noir complet, donc on a des noirs parfaits, on a un meilleur contraste, on n'a pas de rétroéclairage, on a une structure qui est donc plus fine, plus simple, on a des écrans plus fins, mais le problème, c'est que c'est aussi plus fragile, c'est que les OLED sont moins endurantes que les LED, les LED d'un silicium, quoi. Elles se dégradent à peu près 4 fois plus vite, elles sont moins puissantes aussi, ça dépend de la couleur, en plus le rendement en luminosité n'est pas le même selon la couleur, et c'est pas très bon quand tu fais des écrans HDR qui ont non seulement une large dynamique de couleur, mais aussi une grande dynamique de luminosité. Donc tu veux conserver un maximum de détails à la fois dans les zones très sombres, ça va, mais aussi dans les zones très lumineuses, et là c'est beaucoup plus compliqué avec les OLED. Donc les OLED sont très bons en termes de nombre de couleurs, d'étendue chromatique, quoi, mais c'est plus difficile quand il faut envoyer beaucoup de lumière. Et d'ailleurs, souvent, il faut même utiliser des filtres colorés sur l'OLED, parce que du coup, pour bénéficier des meilleures couleurs, enfin en tout cas, pour utiliser les couleurs qui ont le meilleur rendement en termes de luminosité, bah souvent c'est le bleu. Bah du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on peut aussi en arriver à faire de la lumière blanche en mélangeant du jaune et du bleu. Et après, tu mets des filtres colorés pour faire les sous-pixels. Du coup, qui dit filtre coloré dit absorption, dit diffusion. Donc après, les angles de vision sont moins bons, alors qu'ils sont potentiellement parfaits avec de l'OLED. Donc tout ça, c'est difficile. C'est aussi une affaire de compromis, pas mal. Et du coup, arrive aussi ce qu'on appelle maintenant les quantum dots, ou points quantiques, ou boîtes quantiques, selon les terminologies. Alors, c'est quoi un quantum dot? C'est une nanoparticule, en fait. C'est une particule qui fait entre 2 et 7 nanomètres, par là. Et ce sont des molécules qui font entre 15 et 150 atomes, qui sont ensuite empaquetées, parce que bon, on les laisse pas toutes seules, en fait, hein, ce sont des sortes de cristaux. On les empaquette dans des petites boules de lipides, un petit peu comme un virus d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à un virus. Mais bon, vous inquiétez pas. Par les temps qui courent, c'est pas forcément rassurant, mais l'image est parlante. Voilà, donc en gros, c'est des grosses molécules, plus ou moins grosses, qu'on empaquette dans des petites boules, juste pour les protéger, quoi, hein, et qu'ensuite on met dans un petit contenant, quoi, dans une petite boîte, et finalement, ces petits composants transparents. Alors, parce que les quantum boîtes, en fait, ils ont une particularité tout à fait précise. Donc, vous mettez vos petites boules dans une petite boîte, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils brillent de différentes manières selon leur taille, au sens de la fluorescence. C'est-à-dire, tu lui envoies une... Donc, en gros, tu prends une petite boîte, tu envoies une lumière d'une longueur d'onde fixe sur une particule de 15 atomes, et bien, elle va renvoyer une lumière bleue. Si tu fais exactement la même chose avec la même... tu l'éclaires avec la même lumière, de la même longueur d'onde, avec une particule de 151 atomes, bah elle va envoyer de la lumière rouge. Bon, donc vous me direz, bah ça fait quand même bien passer un filtre coloré, ton truc, hein, tu montes ta lumière qui rentre, ta lumière qui sort, ça fait beaucoup penser à un filtre coloré. C'est pas complètement faux, mais ce qui est intéressant, c'est que les boîtes quantiques, en fait, n'absorbent que très très peu. C'est-à-dire que le rendement entre le nombre de photons qui est reçu et le nombre de photons qui est émis est très très bon. Donc le schéma est le suivant. En gros, il faut, pour une télé QLED, il faut imaginer une télé OLED qui a une multitude de tout petits pixels bleus. Voilà, elle a que des pixels bleus. C'est une télé bleue, en fait. Et par-dessus, on met un gros panneau avec des myriades de triplets de petites boîtes quantiques de tailles différentes, et de telle manière que chaque triplet soit bleu. Donc devant, tu vois, tu prends 3 pixels bleus. 15 atomes bleus. Voilà, tu prends 3 pixels bleus, et devant ces 3 pixels bleus, tu mets 3 petites boîtes quantiques, une qui émet quand elle reçoit du bleu, du vert, du rouge, l'autre du bleu et l'autre du vert. Voilà. Bon. Donc en gros, tu fais des sous-pixels comme ça, avec des petites boîtes quantiques, et ça remplace le filtre coloré, tout simplement. Sauf que c'est pas un filtre qui absorbe, c'est un filtre qui... est excité et qui réémet de la lumière, et qui la réémet sans dispersion, et qui la réémet avec un excellent rendement. Donc en gros, on a un écran OLED qui conserve tous ses avantages, mais en étant plus brillant. Parce que le problème avec l'OLED et la HDR dans les hautes lumières est en partie résolu, hein, le tout avec des solutions de technologie qui sont déjà connues, parce que le quantum dot, c'est des trucs que vous voyez dans les magasins depuis très longtemps, et les OLED aussi en fait. Donc marier les deux, c'est marier deux technologies qui sont plutôt bien maîtrisées quand même. Et du coup, les QD OLED sont bientôt disponibles dans tous les Darty, quoi. C'est Samsung et Sony seront les premiers, je crois, sur les grosses diagonales. Bon, après, évidemment, ça c'est un petit peu théorique encore, puisque voilà, il faudra quand même regarder les performances réelles et les prix, bien entendu, auxquels seront vendus. Voilà, réponse dans les numériques en cours d'année, comme d'habitude, hein, de toute façon. Samsung, le groupe, c'est évidemment une myriade d'entités. Il y a Samsung Display qui fabrique les écrans, mais il n'y a pas encore de mise en application, j'allais dire même commerciale, de TV QD OLED chez Samsung, hein, Guillaume. Je crois qu'ils n'en ont pas annoncé aussi, yes. pardon, le QD... Décidément, ça commence bien. Non. Et bonne santé surtout. Et bonne santé, surtout la santé, c'est important. Ouais, non, bah je, oui, non, enfin, les télés, moi, j'ai vu Sony et Samsung, et puis j'ai vu des moniteurs aussi. Mm-hmm. Après, j'ai pas mis le détail parce qu'ils voulaient le détail, c'est mieux d'aller voir les articles carrément, quoi. Parce que si on fait la liste, tu sais, ça fait. Ouais, c'est pas très radiophonique, c'est pas très podcastique. ok, on peut peut-être parler aussi justement des projecteurs. Moi, j'ai vu Pepe Garcia qui nous montrait de manière... C'est un format assez classique, hein, j'allais dire quand même, mais il nous montrait le Jimmy Aura. Le donc, Jimmy, c'est la marque. Oui, la marque D'accord. Jimmy et le modèle Aura. Ça a l'air de toute façon d'être des technos hein, qui sont assez populaires dans les pays asiatiques. J'ai l'impression, les projecteurs laser. Donc là, c'est un projecteur laser 4K qui fonctionne à wobulation. Donc j'ai découvert le terme. Hein, en gros, c'est qu'il recompose plusieurs images. Il triche un peu avec notre regard pour arriver à nous faire composer une image de 4K. Ultra courte focale jusqu'à 150 pouces. Tu peux l'espacer du mur que de quelques centimètres. Je crois que c'est une vingtaine de centimètres. Et puis surtout, il se calibre tout seul. 2400 lumens, Android TV. Bref, super produit. Mais il y a Samsung aussi qui a fait une édition de projecteur, alors qu'il va pas si loin en matière de performance graphique, mais qui est quand même hyper bien pensé. Je trouve qu'il est assez original. Est-ce que tu peux nous le décrire ? Ouais, bah c'est pour le fun en fait, hein. C'est le projecteur Freestyle. Donc c'est un vidéoprojecteur 1080p qui est très compact, projecteur qui fait même pas cool. Un kilo. Il est très cool, effectivement. Donc il se casse partout, même dans une douille de lampe en fait. Tu prends ta lampe, tu vires ton ampoule, tu le mets directement, voilà, comme ça. Bah en fait, si t'as un truc au-dessus de ton bureau, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le mettre sur la lampe au-dessus de ton bureau et pouf, tu projettes sur la table un écran, voilà, pourquoi pas. Bon. Écoute, de quoi, en général, quand tu décris un cas d'usage en terminant par pourquoi pas, je sais qu'il y a bon nombre c'est de personnes qui peuvent être sceptiques, pas. Mais bon. Ouais, ben un vidéoprojecteur en 1080p, bon après c'est aussi pour le fun. C'est vrai que lui aussi il adapte automatiquement le focus et il corrige automatiquement le trapèze. Donc tu l'orientes sur une surface, c'est un écran, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas pour les cinéphiles, hein, donc évidemment, c'est plutôt pour la vidéo casual ou d'ambiance. Un truc très versatile et très cool. Enfin, le prix est pas si cool que ça, puisque le Freestyle, il est fait comme 900$. Ce qui est quand même assez élevé pour un prix, enfin, voilà, pour un truc qui est 1080p. Et bon, bien sûr, il y avait des NFT aussi dans les télés. Mais oui. Il était temps qu'on y vienne, parce que d'ailleurs, c'est un des premiers éléments qu'on a vu passer quand on a commencé à suivre les actus du CIS. On en parlait brièvement avec Kassim dans l'épisode précédent là, de Tech Café. Mais effectivement, tu as l'impression qu'il y a une forme de malédiction qui vient comme toujours. Ça pointer le bout de son nez en début 2022 en disant coucou, vous m'aviez oublié, je suis là, ce sont les NFT. Alors, Guillaume, des NFT dans les télés. Bah, décris-nous ça. On est en 2022. Écoute, comment tu veux pas caser des NFT dans une télé? Bien sûr, Samsung prévoit d'en inclure donc le support hein, pour bon, certaines plateformes de NFT. Bon, dans des smart TV, tout simplement. Donc voilà, en gros, sur ta télé, tu pourras une sorte d'agrégateur de NFT sur ta télé. Bon, je sais pas trop. Mais il y a pas que lui. Il y a Netgear aussi. Et oui, Netgear, hein, les gens qui font des trucs réseau, qui fait aussi apparemment des cadres photo numériques et qui est persuadé que c'est devenu la raison d'être de sa gamme Mural. Qui sont des cadres photo numériques hein, et qui, ben, comme tous les cadres photo numériques, affichent des JPEG. Et voilà, et comme un NFT, grosso modo, c'est un lien vers un JPEG, ben oui, pourquoi ne pas afficher les 10 JPEG dans un cadre photo numérique? Quelle innovation incroyable, j'en suis bouleversé. Bon, eh ben, j'imagine que tu as déjà fait tes pré-réservations et tu nous diras ce que tu penses de l'affichage de toute ta collection de NFT sur ces nouvelles technologies d'affichage, Guillaume, dans ton salon. Allez, on a d'autres concepts plus informatiques, pour le coup, qu'on va relayer avec... Il faut vraiment qu'on décrive ce boîtier PC, Guillaume, qui est diablement sexy, très original, qui à coup sûr fera ravir les gens qui passeront chez vous. Décris-nous cette proposition, la Kinetic Case. Ben oui, parce qu'il y avait aussi des ordinateurs au CES, même des ordinateurs de bureau, ils sont vivants. Ils sont tellement vivants qu'ils bougent. Et oui, parce qu'il y avait cette fameuse Kinetic Case de Cyberpower. C'est un boîtier de PC avec des évents motorisés. Alors, il n'y a pas moins de 18 moteurs pour ouvrir et fermer trois grosses ouvertures, bon, là, d'aération, quoi, hein, qui sont garnies de fines ailettes qui bougent telles une farandole de papillons dorés afin de réguler automatiquement les flux d'air. Me demandez pas le prix, je le connais pas, mais ce truc est censé être un vrai produit, hein, à la différence, par exemple, du concept Razer de l'année. Bon, Razer, c'est un coutumier du fait, hein, régulièrement, il propose des concepts cool, qui ne débouchent sur absolument rien, parce que sont souvent trop largement trop ambitieux, en fait. Et c'est pas cette année que ça va changer, parce que le dernier en date, c'est Sophia, c'est un bureau modulaire. Je veux dire, quand je dis un bureau, je dis un vrai bureau en dur, hein, pas le bureau Windows. Un vrai bureau, un vrai meuble, dans lequel vous pouvez afficher des trucs qui pourraient être des caméras, des accessoires de montage, des écrans tactiles, pour tout et n'importe quoi, des accessoires gaming, une tablette graphique, etc., etc. Donc le tout est noir glossy, façon très trône, surmonté d'un énorme écran, et il y a une 65 ou 77 pouces. Ouais, c'est quand même, c'est bel écran. Et la partie machine, parce qu'évidemment, il y a aussi une partie machine pour mettre le boîtier PC. Ce sera un petit boîtier de format mini qui pourrait être attaché sous le bureau de manière magnétique. Tu remplaces au gré des besoins directement. Une fusion totale du meuble bureau et du PC de bureau, flashy, futuriste, et qui n'arrivera jamais, malheureusement ou pas, en fait, je sais pas trop. Mais bon, il y avait des trucs futuristes, il y en avait pas mal. Hein, Tu dis ça n'arrivera jamais, et je pense qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, il y a juste à regarder la taille d'écran par rapport au recul. J'ai du mal à penser qui pourra utiliser ça, même si on imagine des divisions de l'écran en plusieurs fenêtres. Bon, bref, je vois mal comment on peut utiliser ça dans la réalité. Mais quelque part, c'est malgré tout sympa. Je trouve ça enthousiasmant qu'il y ait ces idées assez improbables. C'est aussi ça qu'on aime dans ces salons, c'est ces propositions ubuesques de choses qu'on se doute bien n'arriveront jamais dans notre salon, mais qu'on aime bien voir parce que parmi cette myriade de propositions, il y en a forcément derrière qui auront des usages et des petites évolutions dans nos usages qui pourront être sympas. C'est le cas aussi pour les ordinateurs, Guillaume. Ouais, parce que oui, toujours futuriste, mais qui arrivera par contre bel et bien, au moins si tu es un émir du Qatar, il y a les lâchages annuels des constructeurs sur les PC portables. Donc par exemple, il y a la tablette pliante de 17 pouces d'Asus. Alors le concept, c'est le même que le Galaxy Fold, hein, tout simplement, mais sauf que c'est une tablette de 17 pouces. Alors une version 14 qui est prévue aussi. Donc tu peux l'utiliser tel quel, comme une grosse tablette, ou avec un clavier devant toi pour avoir un PC écran 17 pouces, quoi, que tu peux replier complètement et qui du coup est assez facile à transporter de manière assez compacte. Ou alors bah, tu peux le plier à moitié pour avoir une sorte de PC clamshell avec un clavier virtuel, ou ce que tu veux d'ailleurs, en bas et puis un écran voilà, assez respectable encore en haut. Alors, vous allez me dire, ce concept est-il une nouveauté ? Pas du tout. Vous avez raison, pas du tout, puisque le Lenovo X1 l'an dernier faisait exactement pareil. Alors la différence, c'était que le X1 était 13 pouces 3, ce qui donnait un clavier assez minuscule quand tu le coupais en deux, en mode PC, et puis l'autonomie était bof, et que le prix était houille. Je vais faire ça maintenant, je vais plus utiliser que des onomatopées. Parce que tu vois, un mot et paf, tu vois. J'adore. Donc voilà, l'Asus sera plus gros, donc peut-être mieux utilisable comme PC. Il est aussi plus puissant, bah, évidemment c'est encore i7 de 12e génération, donc avec des cœurs économes d'Intel. Par contre, au second trimestre, on connaîtra le prix et là, badaboum. Ça marche terriblement bien, tu peux garder à mon avis. Je vais garder ça. Cette nomenclature, elle fonctionne très bien. Alors attends, moins extrême, mais toujours exubérant. Alors je sais pas si t'as vu, je sais pas si il te fait plus de l'œil. T'avais le Lenovo ThinkBook Plus Gen 3. Je sais, c'est long, c'est on dit en titre d'animé. Déjà, c'est un PC ultra wide. Quand c'est un écran 21 dixième de 17 pouces, donc c'est quand même une rareté quoi. La résolution c'est 3072 par 1440, c'est un PC ultra large mais qui offre un clavier relativement petit et étroit parce que y a un deuxième écran à la place du pavé numérique. En fait c'est un écran tactile qui est beaucoup plus gros que le pavé numérique, hein. Il prend toute la hauteur et dessus tu peux afficher un pavé numérique par exemple, virtuel, mais aussi bien sûr tout ce que tu veux, une calculatrice, des raccourcis pour votre ton appli de productivité favorite, des notes, une app de dessin parce qu'il y a un stylet même, voilà, le monde est à vous avec le Lenovo Machin Plus Gen 3. Et ça, c'est dès le mois de mai, pour 1400 balles, qui est un prix quasi abordable pour un monstre pareil, bien qu'il n'ait pas de carte graphique particulièrement puissante. Mais bon, voilà, ça, c'est pour les trucs un petit peu... Ils auraient pu pousser plus loin, ça n'aurait pas été choquant au niveau du prix. Enfin, je m'attendais à limite à pire, pour être honnête. Oui, c'est honnête, ça, mais bon. On est d'accord. Bon, après, il y a les gammes quand même pareilles, mais un peu différentes. Donc, tu avais le XPS 13+, qui ressemble à un XPS 13, mais avec plus ni touchpad, ni barre de touche de fonction en haut. Donc le touchpad est invisible en fait, et il est haptique. Donc tu cliques là où tu es, et la barre de fonction elle est remplacée par une barre tactile avec des boutons sensitifs pour le volume, l'éclairage, tout ça. Apple s'y est frotté avec les MacBooks et on est un petit peu revenu. Bon, pas pour les trackpads. C'est un choix un peu casse-gueule, je trouve, parce que le touchpad, pas de touchpad déjà, pas savoir où il est, ça va être un peu déroutant, personnellement. Et puis perso, j'utilise beaucoup les touches de fonction, F3, F5, F11, F4, voilà quoi. Donc j'ai pas du tout envie de les voir remplacées par des petites icônes. Bon, ben voilà, donc nettement plus sexy, je trouve, est le Zephyrus, les Zephyrus, qui sont des portables gaming, mais qui deviennent, avec l'adjonction d'une webcam, ça y est, enfin, donc des portables polyvalents aussi. Voilà, il y avait, évidemment, ils sont suréquipés, hein, vous doutez, DDR5, Ryzen 9, RTX 3080 Ti, donc, sur des écrans 16 dixièmes à 120 Hz, bord ultra fin, webcam, et pas de notch, Là, moi, je dis ça, je dis rien. Ce serait marrant de voir... je pense à toi à chaque fois que je les vois maintenant, les écrans, tu sais, Borderless de chez Dell ou les autres, là, et où ils disent qu'il y a tout ce qu'il faut en matière de webcam et de quoi faire du Windows Hello, donc de la reconnaissance pour déverrouiller son ordinateur. Et effectivement, je repense à ce que disait des MacBooks. Bon. Ce sera marrant de voir effectivement des matchs d'autonomie entre Zephyrus et les XPS, puisqu'il y en a sous AMD et un sous Intel. Donc là, entre les derniers Ryzen 9 et les derniers Intel de 12e gen, ce sera marrant de voir un petit peu s'ils ont fait des gros progrès. Voilà, enfin bon, pour conclure sur les PC, on pourrait citer le ThinkPad Z. Pourquoi ? Parce que c'est un portable, bon, portable plutôt boulot, plutôt sexy pour un portable boulot, équipé en AMD, et qui a la particularité d'inaugurer un truc qu'on va sans doute voir se répandre rapidement sur les PC Windows, hein, c'est la puce Pluton. Alors, c'est Microsoft qui l'a conçu pour protéger ses Xbox à la base. C'est une puce de sécurité qui est un petit peu analogue à une puce TPM, donc elle peut stocker des mots de passe, des clés cryptographiques, des données sensibles, quoi, en résumé. Bon, pas directement votre historique web, hein, mais bon, admettons que vous utilisiez BitLocker pour chiffrer votre disque dur, et donc votre historique web peu glorieux de fin d'année, eh ben, la clé de chiffrement est typiquement chargée non pas sur le disque dur lui-même, où elle pourrait éventuellement être retrouvée, mais sur la puce TPM, donc TPM ça va être c'est Trusted Platform Module. Donc si on extrait le disque dur de votre PC, de toute façon ça sert à rien, puisqu'il n'y a pas la clé, c'est impossible de la déchiffrer. Par contre, mais si on ouvre le bit de votre machine et qu'on plante comme des barbares des électrodes aux bons endroits pour écouter ce que dit la puce TPM à la carte mère, ben on peut éventuellement encore trouver les clés. Donc pour éviter ce genre de bidouillage, Microsoft a conçu la puce Pluton, qui est destinée à s'intégrer directement au cœur du processeur, enfin au cœur du système sur puce, hein, abrité dans le petit boîtier, voilà, plastique tout mignon, hein, qui renferme le cerveau de votre ordinateur. Alors, c'est un truc qui est plus ou moins, AMD, Apple et Google ont aussi exploré, hein, puisqu'il y a disons, des solutions, par exemple chez Apple c'est le T2 qui s'y colle. AMD, un petit peu comme Qualcomm finalement, continue de renforcer ses liens avec Microsoft, hein, et puis donc il est intégré dans ses Ryzen 6000 Pluton. Voilà, c'est cette plateforme-là qui est donc une sorte de TPM complètement intégrée, quoi. Donc le résultat évidemment c'est que les clés sont stockées directement dans le processeur, donc elles ne transitent plus, et donc la plateforme est plus sûre. Bon, après, faudra voir un petit peu à l'usage aussi si c'est si ça nuit à la réparabilité. Bon, je sais pas. Après, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Hein. Je sais pas, un PC, c'est pas une console après tout. Tu sais, on avait déjà discuté de ça. Mais puis les nouveaux, c'est vrai qu'il a quand même un peu changé ces dernières années. C'était des produits très robustes et faciles à ouvrir, à réparer, hein, les nouveaux pendant très longtemps. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Donc, à cette lumière, ouais, le fait que les nouveaux soient parmi les premiers intégrés Pluton, bon, à voir. Oui, en tout cas, tu es cohérent dans ta prise de position dans laquelle tu es amené à critiquer peut-être les choix d'Apple qui enferment l'appareil derrière une espèce d'enclave et dans laquelle on ne peut pas intervenir. Effectivement, on a des constructeurs qui ne sont pas Apple, mais qui suivent un petit peu cette démarche-là, sans doute pas avec le même curseur, mais la direction est probablement la même. Il n'y a pas forcément systématiquement de quoi s'en réjouir. Écoute, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être tant mieux pour la sécurité, au final, peut-être c'est ça qu'on peut se dire. En tout cas, tu as fait une intro parfaite pour nous amener à aborder, j'allais dire ton cœur de métier, ton savoir-faire, ton expertise, Guillaume, c'est celle des composants, parce que oui, le CIS, c'est aussi l'occasion de parler un petit peu des nouvelles générations de composants. Et évidemment, on ne peut pas traiter ce CIS 2022 sans aborder ce que nous proposent notamment AMD, Intel, Nvidia. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de AMD, Guillaume ? Ouais, c'est pas ma faute, qu'est-ce que tu veux ? Les constructeurs de puces aussi, ils ont fait plein d'annonces au CES, donc voilà. Hein. Ils ont bossé en 2021, alors ils présentent un petit peu leur devoir, après tout c'est normal. C'est logique. Donc AMD, on commence par AMD, hein, qui donc a annoncé ses Ryzen 6000 en Zen 3 Plus en 6 nanomètres. Donc on a pour toutes les bourses de 4 à 8 cœurs, donc de 8 à 16 threads, de 15 à 45 watts, des fréquences qui peuvent aller jusqu'à 5 GHz pour les plus hauts de gamme en turbo. Donc petit aparté d'ailleurs sur la série 5000, la technologie de cache 3D dont on avait parlé dans un épisode précédent sera enfin disponible sur un unique modèle, le Ryzen 7 5800X3D, en tout cas dans un premier temps, quoi. Donc cette magnifique machine sera un octocœur avec 96 mégaoctets de cache L3 empilé donc sur la puce elle-même. On avait expliqué le principe. Et sa fréquence est relativement modeste du coup, puisque elle plafonne à 3,4 GHz, mais du coup la quantité gargantuesque de L3 fait plus que compenser la perte de fréquence. Enfin, en tout cas, c'est Robert Hallock, hein, le technico-commercial de chez AMD, qui le dit. Bon, grande nouveauté pour la série 6000, puisqu'on parle quand même d'une nouvelle série. C'est le passage des GPU intégrés. Donc tu vois, on disait tout à l'heure, oui, les GPU intégrés sont largement assez puissants pour la 4K, même plus que ça, puisque là on passe à du RDNA 2, Donc c'est l'architecture moderne des Radeon hein, qui est utilisée notamment dans les séries Xbox Series et les PlayStation 5. Donc c'est très notable parce que c'est une architecture plus moderne et plus puissante évidemment et qu'elle ouvre a priori le ray tracing au PC sans carte graphique dédiée. Alors évidemment, il faudra faire des grosses concessions hein, par rapport à des vrais Radeon externes, mais c'est quand même une évolution intéressante. Quoi, hein. Et puis voilà, AMD a aussi évoqué le futur. Le futur, évidemment, c'est l'après AM4. Alors la plateforme AM4, donc sur laquelle il y avait les Ryzen jusqu'à maintenant, va se retirer après, je sais pas, presque 7 ans de bons et loyaux services. Alors il faut quand même le souligner, c'est vraiment cool, parce que AMD a été remarquable, je trouve, dans la longévité de l'AM4. Souvent, une carte mère, c'est obsolète au bout de deux générations, quoi, globalement. Ça dure 3-4 ans, max. La M4, c'est vraiment un exemple à suivre, je pense. Hein. Et donc, la M5 arrive pour le DDR5. Donc, le DDR5, c'est notablement différent du DDR4, en tout cas. Enfin, c'est pas, voilà, les cartes mères ne sont pas compatibles. Et l'architecture Zen 4 des Ryzen 7000, qui arrive donc pour le deuxième semestre 2022, ça se passera sur de la M5. AMD a annoncé qu'ils espèrent faire durer AM5 aussi. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite vraiment. Hein. Et puis bon, ben voilà, il y a eu aussi quelques cartes graphiques de chez AMD. Bon, à propos, évidemment, c'est un match qui se joue aussi et surtout sur l'entrée et le milieu de gamme. Et finalement, la proposition la plus intrigante qu'ils ont fait, finalement, c'est la 6500 XT. C'est une carte à 200$, relativement modeste, donc du coup, hein, avec 4Go de RAM et 24 unités. Mais c'est peut-être une des seules que vous trouverez en boutique. Parce que la 6500 XT, elle est délibérément étudiée pour dégoûter les mineurs d'Ethereum. Puisqu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mémoire, 4Go, c'est pas énorme, et surtout le bus mémoire est famélique, 64 bits. Donc c'est une carte qui est complètement inutile pour miner de l'Ethereum. Par contre, bah, elle peut quand même faire tourner des jeux, parce que, enfin, alors, évidemment, elle développe quand même 5,7 teraflops, puisqu'elle est, elle a finalement un cœur qui n'est pas si dégueulasse. Mais évidemment, il ne faut pas saturer sa mémoire, ni au niveau de la taille, ni au niveau de la bande passante. Donc c'est-à-dire que c'est du jour 1080p avec des textures pas trop énormes. Mais on peut quand même voilà, devoir bien s'amuser avec quand même. Espérons que les mesures anti-minage ne nuisent pas trop au jeu lui-même. Mais c'est marrant de voir à quelles extrémités les constructeurs sont arrivés pour essayer de réserver finalement de manière certaine des cartes graphiques aux joueurs, parce qu'on se souvient des limiteurs artificiels qui avaient été rajoutés par GeForce dans leur machine pour essayer de contrer ce phénomène. Bon bah là au moins il y a pas de limiteur, c'est juste que la carte n'est pas assez puissante quoi. L'ombre des crypto-monnaies et des pratiques de minage plane sur ce CIS malgré tout. On peut parler aussi de la nouvelle génération chez Intel, Guillaume, avec de l'Alder Lake à tous les vents, j'allais dire. Oh bon, écoute, Alder Lake, donc 12e génération, hein. Il y a eu des annonces pour milieu de gamme portable, il n'y a pas moins de 22 processeurs qui ont été annoncés, 20 de plus que je vais vous lister ici une par une. Non, je déconne, bien sûr que non, il y en a pour tous les goûts, entre 2 et 16 cœurs, le 16 cœurs en 8 par 8, hein, en 8 plus 8, je veux dire. Donc c'est entre 2,8 et 5,2 GHz, entre 42 et 589 dollars. Alors, pour résumer, on peut dire que le premier i3 offre 4 cœurs à 4,3 GHz, c'est pour moins de 100 dollars. Ce qui est un tarif relativement compétitif, et là on trouve le premier 6 cœurs à 167$, ce qui est pas si mal. Aucune de ces puces est un double cluster. Hein. Donc ça veut dire que pour avoir les fameux clusters, vous savez, les cœurs performants et les cœurs économes, il faut aller jusqu'au i5 12600 pour aller en 6 plus 4, et là c'est 264$. 10 cœurs pour 264$, est-ce que c'est un mauvais deal? J'ai pas trop l'impression, c'est pas si donné que ça, parce que les cœurs, enfin c'est pas si mal que ça, puisque les cœurs économes quand même, donc 6 plus 4, ça veut dire qu'il y a 4 cœurs économes, les 4 cœurs économes sont quand même relativement puissants, donc ils comptent pas pour rien dans la puissance générale du truc, donc c'est pas si mal. Bon, voilà, à côté de la pléthore de processeurs, par contre, c'était bien morne si tu voulais des nouvelles de Arc, les futurs GPU, la future carte graphique d'Intel, qui vont sortir un jour, mais en fait je sais pas quand, parce que subrepticement, Intel a viré premier trimestre de son site web. Donc, ben, je sais pas, ce sera sans doute pas premier trimestre, mais en 2022, de sûr. Hein. Non, attends, c'est sûr, 2022, de sûr. Bon, donc trop rien sur les GPU Intel, et puis bon, il y avait des trucs qu'on peut conclure sur les GPU Nvidia. Donc on a eu droit à un nouveau monstre, le 3090 Ti, le dernier gros ampère GA102, qui est même, évidemment, il est plus mieux. Tu sais combien il bouffe? Il bouffe 450 watts. La carte bouffe 450 watts à elle toute seule, je rigole pas. Hein. C'est un peu le Hummer du GPU, quoi. Enfin, c'est même pire que ça, c'est un Dragster à ce niveau-là, j'ai l'impression. Donc ok, ça aligne du 40 teraflops, Donc le 3090 aligné du 36 teraflops, ça fait quand même c'est 100 watts de plus. Bon, sinon on a des versions un petit peu remaniées de 3080, 3070, 3050 avec plus de RAM, voilà. Et puis Nvidia est aussi très content d'annoncer qu'il y a une pelletée d'autres jeux qui vont utiliser ces fonctionnalités. Donc RTX ou DLSS au choix. Bon, il y avait Dying Light 2, Escape from Tarkov. Il y avait God of War aussi, voilà. Donc DLSS ou RTX, hein, comme j'ai dit, c'est un des deux. Le DLSS, comme toujours, donne des résultats impressionnants. Le RTX, évidemment, c'est plus subtil. Et puis ça dépend des conditions. Voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez voir évidemment par vous-même dans la vidéo qui est liée dans les notes. Merci pour cette revue complète de tout ce qui sera abrité dans nos boîtes de plastique d'ordinateurs dans les mois, ou plutôt les années à venir dans certains cas. Mais le CES, c'était aussi, et j'avais pas souvenir que c'était autant le cas les années précédentes. Alors est-ce que ça s'accentue ou est-ce que c'est une vraie nouveauté, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a de la voiture au CES. On a de la voiture qui se veut évidemment électrique, qui se veut dans l'air du temps, hein, moderne et connectée bien entendu. Et un acteur qui avait déjà présenté un modèle, mais qui en a présenté un second, que je n'avais même pas en tête. Moi, je ne savais même pas du tout que c'était un acteur qui s'était embarqué dans la voiture. C'est Sony, Guillaume. Moi, je croyais qu'il faisait que des consoles et des appareils photo. Non, mais bah, c'est clairement une nouveauté. La grosse caricature, pardon. Oh là là. Bah, écoute, tu sais que c'est pas complètement... Enfin, si, c'est quand même inattendu. Voilà. Mais c'est vrai, le CES, c'est désormais aussi un salon de l'auto. C'était déjà un petit peu le cas l'an dernier. Attention, c'est de l'auto électrique. Ah, si t'es pas électrique, tu rentres pas au CES, il y a un vigile à l'entrée. Bon, c'est simple, tout le monde s'y met, mais t'as raison, même Sony. Et c'est pas une blague, hein, Sony lance une nouvelle boîte même, enfin une nouvelle filiale, qui s'appelle Sony Mobility Inc. Le Inc est important, je suppose. Et voilà, donc il en profite pour nous montrer un prototype qui s'appelle le Vision S2. Et c'est effectivement une voiture. Une voiture connectée 5G qui intègre beaucoup de capteurs, 40 capteurs, caméra, lidar, ultrason, tout team. À quoi sert la 5G au passage ? Alors, ça sert à se connecter à Internet. C'est vrai, c'est important, c'est important. Ça sert à se connecter au cloud, en fait. Bon, ils imaginent que voilà, il y aura plein d'applications hein, avec l'application. Enfin, que ce soit pour conduite autonome ou pas, mais en vérité... Bon. De toute façon, que ce soit 5G ou 4G, c'est pas grave. En tout cas, c'est connecté, forcément. Il y a des écrans partout, de toute façon, en guise de tableau de bord, aussi pour le passager, puis qui peut regarder Netflix ou jouer à Fortnite à fond à côté du chauffeur. Et encore, ça, on le voit pas dans la vidéo, il y a une vidéo de concept qui est d'une surprenante banalité, puisque ça montre globalement une meuf qui prend sa caisse pour aller faire des photos dans la pampa. Et puis c'est tout, on dirait une pub de parfum, j'ai pas compris. Parce qu'elle conduit en plus, hein. Je veux dire, c'est pas une voiture du tout autonome, elle conduit juste sa caisse. Bon, voilà. Et la vidéo UX, donc User Experience, montre plein de trucs avec des écrans qui ne me paraissent pas plus marquants que ça, surtout pour un concept car. Après, si on y réfléchit, c'est sûr que Sony produit et conçoit des capteurs, beaucoup, et parmi les meilleurs, des capteurs CMOS, des capteurs SPAD, donc des capteurs 3D, des sortes de photos 3D, quoi, des lidars. Donc, avoir une branche spécialisée mobilité, c'est totalement cohérent. De là à faire vraiment des voitures complètes de A à Z, ça me paraît assez superflu, mais bon, voilà, l'avenir nous le dira. Écoute, je suppose que toi, est-ce que tu as flashé sur la BMW X ? Alors, j'ai pas forcément flashé sur la BMW X, mais par contre, là, bon, déjà, on dessine Sony comme étant un constructeur de voitures, donc il y a un côté un peu film d'anticipation futuristique qui se réalise, parce que tu sais, c'est ces marques qui sont dans la technologie, qu'on n'aurait pas vu dans les voitures et qui, du coup, s'embarquent dedans. Ouais, les méga corpos qui font tout, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, pour dire qu'il y a des marques qu'on n'aurait pas vues sur les segments dans lesquels on est aujourd'hui. On va pas les relayer forcément en détail, mais on a Nokia qui a présenté des smartphones super pas chers, parce que super accessibles. Mais bon, enfin, c'est une petite parenthèse qu'on va clore très rapidement, mais effectivement j'ai vu aussi la présentation de ce BMW qui, ben, un coup t'es blanc, un coup t'es noir, un coup tu changes de couleur et ça va être un enfer pour les autorités. Décris-nous ce véhicule surprenant, Guillaume. Ben moi, je dois bien dire que ça concrétise un petit rêve que j'ai depuis que les liseuses existent, en fait. Ah, hein, c'est avoir du papier peint personnalisable à la volée, comme ça. Mais c'est vrai. Ben ouais, pourquoi pas, après tout. Tu vois, tu récupères des cannes de la chasse à la dizaine, tu vois, à la brouette. Tu extrais les écrans, tu les colles sur tes murs. J'espère que t'as pas une trop grosse pièce, quand même. Tu les raccordes à des Raspberry Pi, tu te casses la tronche pour un code qui divise l'image que tu veux mettre et piloter tous les écrans. Et hop, ben voilà, ton mur devient une œuvre au fusain dynamique, comme ça, qui change à l'envie, qui consomme presque rien. Mais c'est Total Recall, ça, dans le film Total Recall avec Schwarzenegger. Ouais, alors c'est peut-être en couleur, mais moi je pars petit en noir et blanc, ça va suffire. Et puis voilà, ouais, c'est beau, ça consomme presque rien, à la différence de certaines télé encadrées d'une certaine marque que je ne nommerai pas. Et bon, cette idée que j'aimerais donc voir réaliser un jour de manière moins bricolo que ce que je viens de décrire, BMW l'a presque fait avec sa X, qui est recouverte d'encre électronique. Donc elle peut être noire, blanche ou grise à l'envie. Par contre, c'est dommage, mais bon, ça se comprend. Pas question de recouvrir sa bagnole avec des dizaines de fleurs de magnolia parce que les pixels sont pas pilotés individuellement. Bah évidemment, tu imagines la connectique qu'il faudrait si c'était le cas. Même si c'était des modules, bah c'est une bagnole, donc les surfaces sont courbes, sont arbitraires, bah c'est une catastrophe. Donc globalement, on a juste un seul gros pixel, et c'est la voiture elle-même. Bon, c'est déjà super cool d'avoir une voiture blanche, un bit, mais c'est déjà pas mal. Et parce que finalement, bah c'est une voiture qui renvoie en été mieux les rayonnements si tu la mets blanche, et puis en hiver, bah tu la mets noire et ça perd moins de chaleur. Et puis c'est le swag, voilà, c'est tout. C'est un swag qui va probablement rester dans tes rêves parce que c'est un proto et qu'il n'y a pas vraiment de projet de commercialisation. Mais c'est beau quand même. Mais, et puis pourquoi pas, peut-être que ça pourra se démocratiser dans un futur. C'est aussi ça le CIS. Tiens, pour continuer dans la famille des parenthèses, je voudrais défendre un tout petit peu Samsung avec The Frame que tu incrimines sans pour autant les nommer, mais moi je le fais. Parce que j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'il y avait un capteur de présence et qu'en gros, c'est une télé qui, malgré tout, s'éteint plus souvent qu'on ne le pense. Alors oui, elle s'affiche pour une image fixe alors que tu n'as pas forcément besoin ou envie de regarder la télé. Mais je voulais aussi préciser cet élément parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui savait cette fonctionnalité-là. Et puis, peut-être pour couronner cette revue de ce qui nous a marqué sur les voitures, est-ce que tu as relevé, toi, dans la veille, Guillaume, il y a ce concept car longue portée de Mercedes. Oui, la Vision X. Alors, je sais qu'il n'y a que des X partout, c'est EQXX cette fois. Alors, les noms sont pourris pour tous les produits qu'on a cités jusque-là, à part le Chewbacca, hein, je pense que le Bob, mais qui n'est pas une nouveauté. Voilà. Mais par contre, les noms de produits sur ce CIS sont catastrophiques, je ne parle même pas des noms d'écran. Bref, Vision. Le Vision X, XX, je m'en fous, c'est un concept car électrique qui mise tout sur l'autonomie, effectivement, qui atteint un résultat de 1000 km sur une charge. Alors, personne ne l'a testé. Mercedes n'était pas là, en fait. Hein. En CES, c'était virtuel. Donc c'est une... Et puis ça, en fait, c'est une estimation. Mais c'est Mercedes qui le dit. Il dit que c'est complètement réaliste. Bon, voilà. La voiture consommerait donc 10 kWh aux 100 km. C'est quand même remarquable, parce que 10 kWh, c'est pas énorme. C'est 5 heures de chauffage d'appoint, quoi, globalement. À 50 bornes, peut-être. Non, une grosse clim, c'est 50... Voilà, c'est 3 heures. C'est moins, en fait. C'est... La PlayStation 5, ça doit consommer 200 watts en charge, donc c'est 50 heures de jeu PS5. C'est pas tant d'énergie que ça pour bouger un truc qui fait 1 tonne 7 sur 100 bornes. T'imagines le truc, c'est incroyable. Et parce qu'elle est bien lourde, la Vision X. Et c'est parce que, très logiquement aussi, elle doit avoir une batterie de 100 kWh. Du coup. Bon, elle a aussi 117 panneaux solaires sur le toit, ça peut aider un petit peu, dans les 27 km d'autonomie supplémentaire par jour d'exposition, ensoleillée, on suppose. Bon, honnêtement, les conditions de circulation pèsent tellement dans la balance de l'autonomie, c'est peut-être un peu vain de parler autant d'un concept de concept car que personne n'a jamais testé, mais bon, voilà, c'est un concept qui fait plaisir aussi, c'est quand même pas mal. Tu sais bien que tu n'auras jamais une Mercedes comme ça, avec un tableau de bord constitué d'un écran 8K, mais bon, voilà, rêver n'est pas mais si mal. Mais il faut rêver. Et puis, il faut aussi montrer les bolides des futurs James Bond. Tu sais, c'est probablement là où ces voitures arriveront. Pour le James Bond, je pense que ce sera plutôt le concept Cadillac, parce que franchement, le concept Mercedes, il est vachement sobre à côté du concept Cadillac. C'est une voiture, on dirait qu'elle est sortie de l'Alter de Carbone. Il n'y a même pas un volant, d'ailleurs, tout est auto, tout écran, elle est tout automatique. Bon, voilà, tu sais, après, c'est facile de faire des trucs avec des budgets illimités. Et c'est même un souci, en fait. Hein, je veux dire, tout ça, c'est des voitures électriques super classe et qui coûtent une blinde. Et en fait, les voitures électriques de cette... Enfin, tu vois, ce genre de voitures-là, c'est quand même assez cher, en fait. Tesla avait promis une voiture sur les 30 000 $, ce qui est déjà une somme, hein, et il n'y arrive pas, en fait. C'est fini, les 30 000 $, c'est terminé. Il a même dernièrement encore augmenté le prix de son full self-driving de 2 000 $ de plus. Bon, voilà, c'est... Bon, c'est beau, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est plus facile de faire un truc avec budget limité qu'avec un budget vraiment serré, quoi. Ah bon, d'ailleurs, si on parle de conduite autonome, il y avait aussi d'autres annonces. Bon, pas tout détaillé, hein. Il y avait General Motors qui affirme qu'il allait vendre des voitures complètement autonomes vers 2025. Volvo qui compte lancer des conduites non supervisées sur autoroute en Californie. Il y a même John Deere qui a annoncé un tracteur totalement autonome. Voilà. Et c'est quand tu vois cette news, tu te dis, mais comment ça se fait que... déjà, ça a dû arriver probablement en test bien avant, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas le premier truc qu'on automatise comme véhicule, quoi? Parce qu'un tracteur, je pense que c'est le truc sur lequel il y a probablement le moins d'enjeux de circulation au monde, et où l'utilité est la plus concrète, et où finalement, le le paramétrage est probablement le plus simple parce que tu es dans des environnements de travail assez, assez identifiés et assez limités finalement. Par rapport à une voiture qui roule sur la route. Ouais, enfin, le terrain, il est pas en fait, c'est pas si clair que ça parce que il y a pas de route. En fait, il y a pas de route, il y a pas de marquage au sol, les terrains sont accidentés, ils peuvent être finalement très variables, il y a tout ce qui concerne les intempéries. Ce que je veux dire, un tracteur, c'est s'il y a du brouillard, il tourne quand même quoi. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal pas de si trucs, il y a aussi des gens qui passent, il y a aussi des animaux qui passent. Je sais pas, il y a quand même plein de difficultés comme ça qu'il faut quand même prendre en compte et être sûr de soi quoi, avant de lancer une machine, un truc comme ça. Pour faire là aussi un clin d'œil autour de la conduite, et bon, c'est un aspect de la news, et c'était pas directement sur le CIS, c'était un petit peu en marge, mais je sais pas si tu as suivi l'annonce de Google sur Radar, qui est sa proposition d'un standard open source pour les technologies radar, donc ouvertes. Ils ont voulu s'appuyer sur leur travail autour de Soli, notamment, hein, cette technologie radar qu'il y avait dans un pixel, si je dis pas n'importe quoi. Et puis probablement sur leur travail dans les radars pour la conduite autonome. Et ça me faisait penser, encore une fois, que l'enjeu du radar était probablement plus important qu'on ne le pensait. J'ai eu envie de creuser, j'ai pas eu le temps. Mais il y a ce standard d'API qui a été présenté par Google qu'il faudra qu'on arrive à creuser. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer, non ? On va parler d'un radar étonnant dans la dernière section. Bon, alors on va se le garder pour plus tard. Au passage, il y a aussi les trucs qui sont plus critiquables autour du CIS. Guillaume, tu as malheureusement le petit côté sarcastique cette revue qu'il faut souligner. Oui, prenons du recul, hein, parce que toutes ces paillettes ne doivent pas nous faire oublier notre esprit critique. Hein. C'est pour ça que j'ai bien aimé, moi, l'initiative des 6 militants pour le droit à réparer qui ont décerné les prix des pires produits du CIS. Et au top du palmarès des pires produits, donc de repair.org, en fait, on a la Mercedes EQS, donc pas le concept car qui est EQXX, mais celle qui est une vraie voiture, qui s'appelle EQS. Alors, c'est une voiture électrique, tout ce qu'il y a de plus réel, et qui renvoie un message d'alerte menaçant parce qu'on essaye d'ouvrir le capot. Et oui, le message donné par la voiture est clair. Seul le personnel spécialisé et qualifié devrait ouvrir le capot, l'accès par l'utilisateur n'est pas permis. Voilà, donc Mercedes c'est un ingénieur Apple qui les a conseillés. Avec le droit à réparer, mais oui, c'est exactement ça. On peut même pas ouvrir le capot de sa propre voiture. C'est vrai que les voitures électriques, toujours plus informatisées jusqu'à l'autonomie complète, ben, un jour peut-être, on se voit bien dans un futur où on aura la même problématique avec les voitures qu'on a pour les tablettes ou les PC vraiment très modernes voilà, aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire des trucs monoblocs, impossibles à ouvrir, où on n'est pas censé intervenir, où on serait des purs utilisateurs. Avec un marché du jailbreak, tout à fait. Et voilà, un truc où on serait de purs utilisateurs et où on laisserait tout le pouvoir et toute la latitude aux constructeurs voilà, de dicter toutes les lois qu'ils veulent. Quoi. Alors, c'est déjà largement le cas avec les tracteurs, d'ailleurs, et en particulier John Deere, qui est très connu pour verrouiller arbitrairement ses machines aux dépens des clients, hein, qui sont totalement captifs, puisqu'en plus, il est en situation de quasi-monopole. Donc, John Deere, qui annonce un tracteur autonome, ben justement, c'est le choix de deux juges. D'après eux, il n'y aurait pas beaucoup plus inquiétant comme nouvelle, je cite, que d'avoir une boîte qui est rapace, qui lutte de toutes ses forces contre la syndicalisation, contre le droit à réparer, qui traite par-dessus la jambe la problématique de la sécurité, et que cette boîte propose un tracteur totalement automatisé et donc totalement sous son contrôle, alors que c'est une boîte à laquelle on laisse globalement les clés d'un secteur entier, secteur légèrement essentiel de la production de nourriture. Bon, donc c'est effectivement John Deere, c'est... Bon, on n'a pas vraiment beaucoup parlé parce que les tracteurs, c'est pas forcément notre truc, mais enfin, il y aurait beaucoup à dire effectivement sur John Deere. Donc sinon, évidemment, il y a un juge à particulièrement apprécier l'ampoule qui espionne les gens qu'elle voit en permanence, qui mesure la température, le rythme de sommeil, le rythme cardiaque, mais voilà, qu'il faut aussi détecteur de présence, bien entendu. Donc en gros, c'est un gros mouchard caché dans les lampes, qui stocke des données, d'ailleurs on ne sait pas trop où, et bien sûr, sous couvert de bah, « c'est pour savoir si mamie est tombée », ben, ce truc est un mouchard parfait et invisible, qui est installable n'importe où, hein, dans des bureaux, sur les paliers, dans des lieux publics, mais bon, apparemment, OSEF. Dans le même genre, on a le réveil Alexa. Il y a des services RH qui ont commandé, je crois, des masses de ce produit. Comme c'est étrange. Ah ben, c'est franchement... Ironique, hein, évidemment. Oui, blague. Pour l'instant. Enfin, en tout cas, dans le même genre, il y a le réveil Alexa de Lenovo, hein, puisque quoi de mieux qu'un truc qui se réveille aléatoirement quand tu parles ou que tu regardes une vidéo, et qui envoie tout dans le cloud après, pour préserver l'intimité de sa chambre à coucher, ça c'est vrai que c'est sympa. Puis bien sûr, il y a aussi les TV NFT. Voilà, Samsung fait partie du lot. Hein, c'est sans doute le premier truc que tu aurais sorti si on t'avait demandé, non, je suppose, quelle est la, probablement. Les Razzie Awards du CES, la télé NFT, ouais, c'est probablement. Voilà, qu'est-ce qu'un agrégateur de NFT fait dans une télé? Bon, écoute, c'est pas trop, mais c'est pas grave. Il était là parce que la feuille de route du service marketing avait envie de cocher la case NFT pour les produits à sortir, à annoncer en ces débuts d'année. Et puis, on peut peut-être conclure. Est-ce que tu as des éléments un peu excentriques, on va dire, des trucs qui font quand même ouvrir les yeux bien grands? Oui, oui, oui. Bah, y a les robots, mais on va se garder les robots pour la fin, parce qu'avant, il y avait des trucs plus marrants aussi. C'est inépuisable, tu sais, il y a des trucs... C'est ce qu'on aime hein, dans ces salons, j'aime bah, ça. Oui, oui, oui. Et puis, bon, voilà, et puis, il y a des trucs qui, moi, me parlent particulièrement en tant que cible. Par exemple, le Color Sonic de L'Oréal. Parce que moi, quand j'ai besoin de me faire une couleur, c'est toujours compliqué. Tu vois. Le mieux, c'est d'aller au salon, bien sûr. Mais bon, il faut trouver le temps, c'est assez cher. Mmh. Parfois, tu veux juste te faire des mèches en plus. Donc voilà, ce serait peut-être plus pratique de faire ça dans sa salle de bain. Et le Color Sonic, c'est une sorte de peigne slash pinceau aérographe qui étale une couleur choisie sur les cheveux en se coiffant, gros, globalement. C'est alors, tellement le futur. La quantité juste nécessaire de couleur est envoyée sur ton abondant de chevelure, bien sûr. On peut assombrir une teinte, hein, sinon il faut faire une décoloration auparavant. Et bon, c'est vrai qu'outre mon incroyable crinière, j'ai également une musculature impressionnante que je dois entretenir quasi quotidiennement, tu sais bien, exercice, prise de masse, repos, sèche. Et tu répètes, voilà, c'est une discipline difficile, mais qui me permet d'exceller au crossfit, qui est, comme vous le savez tous, mon autre grande passion. Donc la balance est mon allié fidèle dans ma passion fitness. Mais c'est un chemin semé d'embûches, hein, le fitness. Un saut d'apparition, un gâteau par là et patatras. Mon pourcentage de lipides s'envole. Alors jusqu'à présent, Samantha, ma balance à pédance-mètre, me révélait sans prendre de gants les fois où... Samantha, c'est toi qui l'as appelé comme ça ou... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des fleurs dessus. Donc me révélait sans prendre de gants les fois où j'avais pas été à la hauteur, tu vois. Samantha était franche, mais bon, évidemment, elle manque un peu de clairvoyance parce que la pauvre, finalement, elle a que deux électrodes pour mesurer le courant qui traverse mes pieds. Et donc, si elle peut faire ce qu'elle veut du bas de mon corps, Samantha reste aveugle au reste. Et moi, secrètement, j'en voulais plus. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir aussi d'ignorer la graisse et traîtresse qui s'accumule à bas bruit autour de mes viscères, de mes bras qui se ramollissent ou de mon menton quasi double. Mais tout va changer avec Withing et sa balance body scan dotée de 6 électrodes, dont 2 dans une poignée que vous tenez à bout de bras. Donc elle peut traquer le moindre gramme de lipides où qu'il se cache, au bas des fesses ou au lobe des oreilles. Ça va loin quand même. Hein. Je vais enfin savoir combien d'eau, de gras, d'os et de bas morceaux je suis composé comme ça jour après jour. Précisément. Mieux, elle permet aussi de mesurer le rythme cardiaque, ainsi que la sudation de mes pieds pour surveiller l'état de mes nerfs. Elle va même me donner une estimation de mon âge artériel, que je m'attends à être de 18 ans tout au plus. Tout ça grâce au quinoa et au rooibos à l'hibiscus. Et alors, dès que la body scan sera autorisée à la vente, bien sûr, parce que c'est pas encore le cas, hein, je dirai adieu à Samantha, on aura passé de bons moments. Mais il faut avancer. Voilà, avec Withings, il y a de nouvelles aventures fitness qui m'attendent. Ça me fait de la peine pour Samantha, dis donc. Ouais, je comprends. Et je pense aussi que tu ne serais pas complète dans ta revue si tu ne nous expliquais pas les enjeux que tu as autour de la surveillance de la santé de ton chien. Oui, l'autre gadget qui est battu dans lui, c'est pour chien. Moi, je n'en ai pas. Par contre, toi, tu as des enfants, donc finalement, je me disais... Je croyais que tu allais dire, toi, tu as un chat. Mais oui, tu as raison. Pour mes enfants, collier... ça peut marcher. Le collier Invoxia, bien sûr, qui est un collier GPS pour chien, pour gros chien, donc finalement. Mais il a aussi une autre fonction. Petit enfant. Ou gros chien ou petit enfant. Il a des radars qui mesurent la respiration et le rythme cardiaque du chien. Alors, ce qui est fort, c'est qu'en fait, les ondes radar ne sont pas arrêtées par les poils. Donc, les capteurs, qui donc sont luxés sur le collier en regard du cou du chien, hein, voilà, ils sont sur le collier, peut être mis tranquillou, le collier est un petit peu lâche comme ça. Et tu peux monitorer les paramètres vitaux de Toby quand il court, quand il mange, quand il dort et qu'il se rêve avec la chaîne du voisin, etc. Bon. Un gadget qui peut être utile si le chien en question est malade ou sort de chirurgie, mais sinon je vois pas trop, même si c'est une belle prouesse technique. Ouais, je pense que c'est aussi marrant que tout le quantified self qu'on peut avoir sur soi. Et bon, j'imagine que quand on a un chien et qu'on est passionné d'activité sportive avec son chien, ça peut être rigolo à regarder. Après tout, j'allais te dire... Pourquoi pas? Mais effectivement, on doit conclure quand même ce CES avec ton péché mignon, les robots, Guillaume, les robots. Oui, bah c'est le péché mignon de Hyundai surtout. Chez Hyundai, on aime les robots. Ils ont même acheté 80% de Boston Dynamics d'ailleurs. Donc, ils ont présenté une vidéo. Vidéo un petit peu étrange de leur vision du futur, un futur où tout serait robotisé, ou à peu près. Hein. Alors, ils parlent d'exosquelette, hein, ça existe déjà, c'est de plus en plus répandu. Ça permet de soulager les travailleurs, les personnes avec des soucis de mobilité au sens large. Alors dans la vidéo, ça va plus loin, puisque l'héroïne de la vidéo est une octogénaire qui a un porte-canne robot qui lui ramène sa canne. Ils ont aussi un concept très science-fiction, quand même, hein, c'est une sorte de pod, qui serait une sorte de voiturette autonome monoplace, en fait une chaise roulante électrique robot, mais avec un carénage, avec une coque. Et ça pourrait se déplacer, bon voilà, une certaine vitesse dans la rue. et ça aura une certaine portée, et puis si elle veut aller plus loin, ben, un pod s'intégrera à un bus à pod, une sorte de petit vaisseau mère pour les pods. Donc on imagine que ça revient à voyager en bus, chacun dans un tube à roulettes. Donc je vous laisse juger si c'est une dystopie ou une utopie, je ne sais pas trop, ça doit dépendre des gens. Au-delà, la bande-annonce, qui ressemble quand même à une préquelle d'Horizon Zero Dawn, y avait quand même des trucs marrants et intéressants finalement, puisque Hyundai a une vision modulaire du robot. Donc au début, il y a la roulette. Voilà. Une roulette omnidirectionnelle électrique autoportée avec suspension, hein, qui peut, avec des copines évidemment, et des capteurs, littéralement mettre n'importe quoi sur roulette. Donc voilà, le but, c'est d'animer n'importe quoi. Des chaises, des tables, des écrans, des meubles. Tout pourrait bouger selon les besoins. Les roulettes ont des suspensions pour être tout terrain. Elles peuvent tourner à 360 degrés et de haut en bas aussi. Donc elles sont prévues pour être vraiment très très versatiles. C'est une plateforme qui s'appelle Plug and Drive. Et bien sûr, 2022 oblige. Hyundai nous explique aussi qu'ils sont une boîte du métavers puisqu'ils envisagent les robots comme des avatars physiques, ce qui revient à reformuler juste la téléprésence et l'intervention à distance qui existe depuis des lustres. Mais bon, voilà, en tout cas, on souhaite à Hyundai d'avoir de la chance pour sa roulette. Mais bon, voilà, c'est vrai que parfois les robots les plus utiles sont peut-être les plus simples. Donc le dernier truc du CES qu'on va citer ce soir, hein, ouf, c'est le robot table de Labrador. C'est une table qui s'appelle le Retriever, parce qu'évidemment la marque s'appelle Labrador, et c'est une petite table basse ou une petite étagère, hein, comme on veut, sur roulette, qui peut aussi monter et descendre un petit peu. Elle a même une petite lumière, voilà, et un petit écran de contrôle sur le dessus. Elle peut vous amener des trucs, pourvu que ce soit même un peu prévu pour. Elle peut prendre avec des petites papates, avec des trucs sur les tables, des petits plateaux par exemple. Et donc évidemment elle peut te suivre, elle peut être appelée via Alexa. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, forcément, puisqu'en gros, c'est juste une table à roulettes qu'on pourrait facilement manipuler soi-même. Mais ça, c'est si on va bien. Si on a une mobilité réduite, un handicap, ou si on est très âgé, le fait qu'elle bouge toute seule et qu'elle puisse venir donc en complément comme ça, en appui, bah, ça doit vraiment changer la vie, quoi. Donc c'est un robot pas particulièrement sexy ou foufou, mais voilà, il existe déjà, et puis bah, là, il semble vraiment utile. Donc c'est peut-être un des meilleurs trucs du CES. Il faut de la place, hein, quand même, chez soi. Je pensais aussi à des usages dans des hôpitaux, par exemple, ou dans des maisons pour personnes telles que des seniors, par exemple. J'imagine que ça peut laisser aussi plus de temps pour le personnel avec des tâches à plus forte valeur ajoutée que simplement amener et retirer un plateau et peut-être passer plus de temps un peu plus épanouissant et qui développe la santé physique et mentale. Écoute, merci beaucoup pour ta revue de ce CES 2022. On a eu vraiment plein les yeux. Je vous dis, c'était une belle session. Il nous reste quand même un petit peu de temps, Guillaume. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on ne déroge pas à notre habitude, qui est quand même de terminer un épisode de Tech Café en parlant un peu de jeux vidéo. Et dans cet épisode, tu vas commencer par... Alors, je dois te raconter une petite anecdote quand même. C'est que dans l'épisode avec Kassim qu'on a fait la semaine dernière, on parlait un petit peu de PlayStation. Et puis après l'enregistrement de l'émission, il me disait vraiment ce que j'attends énormément, moi, c'est des annonces autour du PlayStation VR, la nouvelle version, ce casque de réalité virtuelle qui devrait arriver avec la PlayStation 5 cette année. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont annoncer des choses. Et patatras, le lendemain matin, qu'est-ce que je vois pas dans mon fil d'actualité ? Eh ben, les annonces de l'officialisation de ce PSVR 2, Guillaume. À quoi ça ressemble ? Mais oui, parce que t'es gentil, en fait, on n'a plus du tout de temps, mais c'est pas grave. Donc, mais si, le PlayStation VR 2... On a toujours du temps pour les jeux vidéo. Ah, mais bien sûr. Donc, le PSVR 2 a été annoncé, et surtout les specs, donc ça y est, on connaît les caractéristiques, et donc, bon, il s'appelle le PSVR 2, comme c'est étrange. Donc, ce sera un affichage OLED avec du 2000x2040 par œil, donc c'est en gros 4 fois mieux que le premier. On a un taux de rafraîchissement de 90 à 100 Hz, on a 110 degrés de champ de vision, c'est aussi mieux que les 90, je crois, du dernier. Bon, capteur de mouvement inside out, bon, comme tous les casques, on va dire, tous les casques modernes. On a aussi, on a un très microphone sur un petit casque, etc. Bon, je vais pas vous faire le truc. On a donc les fameux manettes Sense qui sont en retour haptique aussi pour les mains. Et il y a deux choses qui, je pense, un petit peu vont quand même distinguer le PSVR 2 de l'Oculus Quest 2, auquel finalement pour le moment il ressemble beaucoup, à le dire comme ça. C'est d'une part le suivi du regard. Donc il y a une caméra infrarouge à l'intérieur qui suit les yeux. Donc, ce qui veut dire que le casque sait où vous regardez, et ça c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Alors la première raison, ce serait déjà de pouvoir ajuster le focus dans les jeux. Ensuite, c'est une information supplémentaire qui est à la disposition des développeurs, qui savent très exactement où vous regardez, qui peuvent réagir en conséquence. Et surtout, ça rend possible le rendu fovéal. Donc le rendu fovéal, c'est quoi ? C'est que voilà, votre œil, il a en gros une seule petite zone qui est toute petite, là, sur laquelle vous voyez clair, c'est là où vous regardez, là où votre regard porte, et tout autour, la vision périphérique, elle est complètement dégueulasse, elle a une résolution débile. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas la peine, quand vous avez une grande image, de tout rendre avec une super résolution. Parce que de toute façon, vous ne voyez clair que là où vous regardez. Alors évidemment, votre regard bouge, ce qui fait qu'il faut savoir où vous regardez pour rendre uniquement ce que vous regardez, en tout cas uniquement une zone où, autour de ce que vous regardez, avec la pleine résolution, et puis tout le reste, on peut le rendre en résolution 4 ou 8 fois inférieure, et ça, en fait, vous vous en rendrez pas compte. Sauf que si on fait ça, bah évidemment, on économise énormément de puissance de calcul, puisqu'on n'a pas besoin de rendre l'intégralité de l'image, mais uniquement la région fovéale. Donc le rendu fovéal, c'est la clé pour, à la louche, doubler la capacité de calcul d'une PlayStation 5 gratuitement, j'allais dire, puisque vous n'avez pas besoin de rendre autant d'images que ce que vous devriez. Et bon, pour envoyer quand même du 4K à 120 Hz, il faut quand même pas mal de puissance. Donc c'est quand même vraiment intéressant d'avoir cette nouvelle fonction. Et le deuxième truc qui est assez original, je trouve, c'est le retour haptique dans le casque. Puisqu'en fait, il y aura un petit moteur dans le casque qui renverra des vibrations. Alors ça pourrait être pour les battements de cœur, ça pourrait être pour des vibrations, pour des accélérations. Donc en gros, vous avez des retours haptiques dans les mains, et on sait que les retours haptiques sont très bons sur PlayStation 5, vous allez avoir un truc de ce goût-là dans le casque, pour la tête, pour des nouvelles sensations. Ça c'est quand même aussi, je trouve, assez original, et donc, ça pourrait être intéressant. En plus, il y a Guerrilla qui a annoncé Horizon, donc un spin-off, on va dire, de la série Horizon Zero Dawn, qui s'appelle Horizon Call of the Mountain, qui est un nouveau jeu avec un nouveau protagoniste et qui sera donc compatible et exclusif PlayStation VR 2. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir tester ça dans une Fnac à un moment donné, quoi. Eh ben, écoute, on a hâte d'en savoir plus. C'était en tout cas une officialisation. Évidemment, on n'a pas de date de sortie ni de prix. Ce sera probablement très cher. J'espère pas. Tu sais que le PSVR avait un prix relativement contenu. J'espère que le PSVR 2 aussi, on verra. Oui. Écoute, on le souhaite. Tant mieux si c'est le cas. Tant mieux. Soyons enthousiastes. T'as raison. Un rachat dans le monde du jeu vidéo, l'éditeur dont le logo représente un toutou, aussi connu comme étant l'éditeur de, par exemple, Farmville. Oh là, j'avais passé du temps, moi, derrière Farmville. Et racheté, ouais, Guillaume. Mais oui, mais justement, Take-Two, je connais, tu connais, c'est un petit éditeur comme ça, au passage, qui possède des licences sympas, comme GTA ou Red Dead Redemption ou BioShock. Et oui, il vient de survivre Zynga. Et au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas regardé à la dépense, hein, puisqu'il s'est fait plaisir. Hein. Ça lui a coûté 13 milliards de dollars, presque. Pourquoi ? Je rappelle que Microsoft n'a payé que 7,5 milliards pour Bethesda. Bethesda qui, quand même, a les licences Elder Scrolls, Fallout, Doom, etc. Quoi. Rien que ça. Est-ce que ça veut dire que Zynga rapporte plus d'argent ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui explique ça ? Non, Zynga, lui, il a quoi ? Il a Farmville 2, Cityville, bon, je connais pas bien, en fait, hein, mais c'est vrai que... Il a Boggle with Friends. Oh, mais il a des milliards de trucs, en fait. Zynga, c'est un géant du mobile, en fait. Il a racheté lui-même plein de studios, et il a un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars et 3000 employés. Alors, perso, j'avoue, aucun des jeux Zynga que j'ai trouvé grâce à Google ne me dit quoi que ce soit, mais il y en a des dizaines, de Golf Rival à Willy Wonka Casino ou Wizard of Oz Magic Match, en passant par Empire Puzzle. Il en a des tétrachiers. Alors, c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, et ça marche, puisqu'il revendique quand même 168 millions d'utilisateurs cumulés. Et Take-Two, lui, il n'est pas présent, en gros, sur le marché du mobile. Et c'est un marché qui pèse au bas mot 100 milliards de dollars par an, qui est en augmentation constante. Donc on a un peu l'impression que c'est l'a pris d'un coup. Take-Two s'est pris d'une envie irrésistible, hein, d'investir dans le marché mobile, à tel point qu'il a acheté Zynga 64% au-dessus du prix du marché, si on considère son actuel cours boursier. Bon, c'est pas la première fois qu'un gros éditeur console PC rachète à prix d'or un studio mobile, hein, puisque Activision avait racheté King pour 6 milliards en 2015, et il a bien fait. Parce que King lui rapporte aujourd'hui presque un tiers du pognon qu'il gagne. Un exemple qui a peut-être inspiré Take-Two, hein, c'est Call of Duty Mobile, par exemple, qui pourrait avoir rapporté 1 milliard en 2021. Donc qui sait combien pourrait rapporter un GTA Online mobile. Voilà, peut-être que ça vaut effectivement 12 milliards ou pas, je sais pas, on verra bien. Bon, ils ont dû faire leur analyse avec pas mal de réflexions et de comparatifs avant de dépenser une telle somme. En tout cas, je leur souhaite. Tu connais pas Words with Friends ? T'as jamais joué ? Non, aucune. Donc je te demande, faut qu'on fasse une partie ensemble, tu verras. D'autres éléments en jeu vidéo, Guillaume, avec évidemment, encore une fois, ce spectre de 2021 qui continue à planer sur 2022. Ouais, bah c'est l'anniversaire de Castlevania. Voilà, joyeux anniversaire Castlevania, smack smack. Donc Konami s'est rendu compte que c'était l'anniversaire de Castlevania. Du coup, trop logiquement, il s'est dit, bah il faut qu'on nous fasse des cadeaux. Et oui, c'est vrai quoi. Je veux dire, un anniversaire, c'est l'occasion idéale de pomper du fric aux gens qui t'aiment. C'est quand même la tradition. Hein. Et les traditions, c'est important. Donc Konami a passé 2 heures à torcher 4 illustrations et 2 vidéos d'émulateur NES, et il a pondu des NFT dessus parce que c'est la mode. Il a foutu ça sur OpenSea, et maintenant il attend qu'on lui file du pognon. Et un maximum de pognon, puisque c'est une enchère. Donc voilà, c'est comme ça qu'à l'heure où je vous parle, on se retrouve avec 341$ d'enchère sur une vidéo NES de 2 minutes 19. Je précise que vous ne payez pas pour la vidéo, hein, parce qu'elle ne sera pas dans le NFT. Elle est trop grosse, elle fait 84 mégaoctets. Alors comment je le sais? C'est parce que je l'ai téléchargée le plus simplement du monde avec une extension et qui s'appelle Download Helper. Du reste, tout le monde peut l'avoir dans son navigateur, comme tous les autres memorabilia Konami, bien sûr. Ce que vous payez, c'est le fait d'écrire simplement votre pseudo en face de l'URL de cette vidéo, dans la blockchain Ethereum, hein, vous devenez propriétaire de rien. Oui, parce que Konami utilise Ethereum, donc l'écologie, tout ça, bat les couilles. Il essaye même pas de faire semblant. Au moins, Ubisoft, il a choisi une blockchain sobre en énergie, c'est Tezos. Konami aux œufs, filez du pognon. Allez, filez du pognon, allez. Falloir s'habituer, hein. Pour l'instant, le NFT, c'est pour beaucoup, c'est une grosse boîte noire avec marqué dessus « Pognon facile et rapide ». Donc, c'est assez logique que les éditeurs, en perte de vitesse, peut-être, hein, je sais pas, se ruent là-dessus. Moi, je me souviens de ces infâmes rendus 3D de cartouches Atari 2600 et NFT, qui d'ailleurs, Atari qui va lancer son propre Atari Token. Puisque Atari sait plus faire de jeux, il sait plus faire de consoles, tu sais qu'on attend toujours la VCS revisitée. Hein. Donc il se lance à corps perdu dans la crypto, un peu comme GameStop, qui continue à poster d'énormes pertes d'année après année, enfin en tout cas qui s'accroissent, hein, puisqu'il y a 103 millions au dernier trimestre, qui est une perte en 20 millions de pertes en plus que l'année d'avant. Son cours ne doit son salut qu'à la mode des mêmes stocks, en fait, à GameStop. Hein, et GameStop, du coup, annonce avoir 20 personnes qui travaillent à lancer une plateforme de NFT. Après tout, il n'a rien à perdre. Bon, c'est malheureux, mais parce que c'est pas du jeu vidéo, ça, je veux dire, c'est du mercantilisme pur. Hein, les grands éditeurs veulent un nouveau canal de revenus, c'est tout. Donc Square Enix aussi s'est fendu d'un communiqué qui intègre consciencieusement tous les mois la mode. Metaverse, NFT, Play to Earn, voilà, tout ça serait des tendances majeures du jeu vidéo. Ben, en fait, non, parce que c'est pas du jeu vidéo. C'est acheter des DLC ou des JPEG ou des JPEG de copies d'écran comme ça, à prix d'or et spéculer dessus, c'est pas du jeu vidéo. Hein, Et puis bon, pouvoir vendre des modes ou des niveaux, ça me fait maison, ben ça se fait depuis longtemps, tu vois. Puis mettre le fric au cœur du jeu aussi, ça se fait un peu déjà, et puis ça se termine pas forcément bien, faut se souvenir de Diablo ou des modes payants de Skyrim. Bon, ben l'espoir est quand même permis, puisque très étonnamment, Sega reste pour le moment à l'écart de cette tendance. Sega assure évidemment explorer les options. Cela dit, si c'est perçu uniquement comme une manière de faire du fric, et pour le moment difficile de le percevoir autrement, hein, Konami, ben ils le feront pas. Eh ben écoute, tant mieux si on a un Sega emblématique qui s'oppose en faux sur l'utilisation abusive de NFT. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour cette revue très complète du NFT. Ça viendra, ça viendra. Mais aussi du CES 2022. Et c'était important. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous retrouver dans Tech Café. Avec un format classique, habituel, on est reparti pour une nouvelle année, je suis sûr, captivante. Mais on ne déroge pas non plus à notre règle en vous rappelant que d'une part, si vous êtes arrivé jusque-là dans cet épisode, c'est que ça vous a intéressé, informé, diverti. Et que donc, vous êtes tout à fait une personne parfaitement adaptée à aller jeter un coup d'œil à la plateforme de financement participatif récurrente qui est Patreon, à l'adresse patreon.com/techcafé pour voir comment vous pouvez soutenir Tech Café. Et évidemment, on doit aussi vous rappeler où on peut nous retrouver, à commencer par toi Guillaume. Alors, en 2022, je retrousse mes manches et je te pose la question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Ah ben moi, je suis déjà sur le bon coin, en train d'essayer d'acheter des brouettes de canne de la chasse. Ok, on va essayer de retrouver ton pseudo sur le bon coin, Guillaume. On va te retrouver. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis en attendant, on se retrouve très très très très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Et bonne année. Et bonne année, oui, bonne année.